Octobre est le mois des grands spéciaux chez Dolbeau Auto. Profitez du rabais de 20% sur les modèles 2018 en stock, que ce soit le Sierra 1500, le Canyon, le Silverado. Dolbeau Auto a tout ce qu'il vous faut. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau Mistassini. Numéro de téléphone 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, vous invite à visiter notre page Facebook pour nos différents spéciaux. Et rappelle que l'achat local est vital pour notre économie. On va parler des Saguenayens de Chicoutimi. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas parlé, puis je voulais vraiment voir comment ça passe son adaptation en Amérique du Nord. C'est Théo Rochette qui a été le deuxième choix des Saguenayens au dernier repêchage, 7e au total. Bon après-midi, Théo. Allô. Théo, comment tu trouves ton adaptation au Québec au hockey nord-américain? Très bonne. Je pense que on m'a pas mal facilité la tâche. On m'a vraiment bien accueilli ici. Puis je pense que ça se passe vraiment très bien au niveau de la petite glace aussi. Puis pour l'instant, j'ai aucun problème. OK. Le calibre de jeu, est-ce que c'est ce que tu t'attendais vraiment ou c'est encore plus fort que tu pensais? Non, je pense que c'est pas mal à ça que je m'attendais à un bon niveau. Je pense que il y a pas de surprise, c'est les meilleurs juniors au monde ici, c'est la porte pour la NHL, puis je pense que c'est pas mal à ça que je m'attendais, puis je suis content du niveau, je regrette pas mon choix d'être venu. OK. Dis-moi, est-ce que c'est quand tu dis les Saguenayens m'offrent vraiment l'opportunité ou me facilitent la tâche, jusqu'à quel niveau qui te facilite? Je pense à tous les niveaux, tu sais, on travaille vraiment sur tous les détails durant les pratiques, puis au niveau de l'école aussi, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'aide. Puis je pense que c'est ça qui facilite à tous les joueurs aussi de pouvoir mieux travailler en dehors de la glace puis sur la glace. Donc okay. c'est vraiment facile. Là, pour le hockey, je t'ai parlé du hockey, mais pour le niveau scolaire, est-ce que c'est les mêmes programmes? Est-ce qu'il y a une adaptation au niveau scolaire avec la Suisse puis le Canada? Une petite adaptation, le programme change un peu, mais la plupart des choses qu'on fait à l'école, c'est des choses que j'ai déjà vues ou entendues en Suisse, donc c'est assez similaire. Là. OK. Le fait que c'est dans la même langue aussi, ça t'aide beaucoup. Si tu aurais été dans un autre pays que ça parle pas français, ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile aussi, hein? Ouais, c'est sûr que ça m'aide beaucoup, puis je pense que je me débrouille en anglais, mais je suis pas tout à fait bilingue, donc je pense que c'est vraiment plus facile dans un milieu francophone. OK. Théo, si on parle un peu du côté des Saguenayens de Chicoutimi, c'est vraiment... Écoute, on les plaçait 9-10e, ils sont 6e au classement général. C'est toute qu'une surprise. Hein. C'est Yannick Jean fait toute une job. Parle-moi de l'ambiance qui règne dans le vestiaire. Ouais, c'est sûr que... J'ai entendu dire qu'on nous attendait pas là non plus, puis je pense qu'on a vraiment une très bonne équipe et jeune aussi. Donc on a deux bons gardiens, on a une très bonne défense, je pense une des meilleures de la ligue. Puis on a vraiment des bons joueurs aussi en attaque, on a toutes sortes de différents profils, puis ça se complète bien, on s'entend vraiment tout bien, on a vraiment une chimie dans l'équipe incroyable, je pense qu'il n'y a pas un gars qui pourrait dire tel ou tel on l'aime pas ou n'importe quoi. Je pense que vraiment tout le monde s'entend bien. On rigole beaucoup dans le vestiaire. Puis... OK. C'est ça. OK. Donc, j'imagine que plus ça va aller. Le fait que c'est quand même plus robuste qu'en Suisse, tu vois pas trop de misère là-dessus? Okay, non, je pense que ça a été un petit temps d'adaptation au début, mais je pense que je me suis assez vite adapté, puis il n'y a aucun problème à ce niveau-là. OK. Ben, Théo, on va te souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, avec les Saguenayens de Chicoutimi, je voulais te parler. Tu t'es vu au repêchage, puis j'ai dit je vais l'appeler pour voir comment que ça va. Bien content que ça va, puis j'ai l'impression que tu vas avoir une très, très bonne, très belle carrière à Chicoutimi. Merci beaucoup. Le Suisse, Théo Rochette, des Saguenayens de Chicoutimi.